fou de Mathieu Plante. 89.1. Vous écoutez les paparazzis, c'est vous. Bonjour et bienvenue par la Sifou pour la semaine du 2 au 8 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Si c'était pas la semaine passée, parce qu'on a fait l'émission, on l'a post-enregistré le jeudi. Oui, c'est ça. J'ai essayé de passer, puis finalement, non. Ben non, puis moi, j'étais malade mercredi. Fait que c'est ça. Ben voilà. C'est pas mon mois à date pour la santé, je pense, physique, là. Pas mon mois, mais bon. C'est pas grave, on est là pour se consoler avec la bonne musique. Exactement, on est là pour se remettre sur le piton un peu avec 3 heures de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées dans Palmerist in Peace. On va aussi retourner dans le passé avec C'était fou. Par contre, pas l'instant classique parce que Colin, j'étais pas hier, fait que j'ai pas eu le temps de faire ça. Bon, ben voilà. C'est le même, c'est le même. Ben c'est pas grave parce qu'on va aussi avoir d'autres choses hein, ailleurs dans le palmarès. Exact, on va regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Voilà. C'est incroyable ce nom-là, comme à chaque fois, je le comprends tellement. On va débuter avec une trolley de nouvelles entrées. Je pense qu'on va peut-être réussir, si tout va bien, à faire une heure complète de nouvelles entrées. Incroyable. Ça se peut quasiment pas. Il y en a comme 10. 10! Ouais, j'en ai 5 côté francophone. Et toi, Mathieu? 5 anglophones aussi, Jean-Philippe. Merci de le demander. On va savoir si la fin de l'émission, si les numéros sont toujours du côté anglophone. Heroes of Tai, Kunsu Koroi. Et on va regarder dans la troisième heure si la couleur tient toujours la place, la tête. Voilà, mais commençons avec les nouvelles entrées. Si on fait une liste rapide en anglophone, plus tard, il y aura The Marwheels, The Spoon River, André Papanicolaou, Samantha Savage Schmidt ainsi que The Seasons. Et côté francophone, on va avoir Fanny Bloom, Claude Bégin, Jean Leloup, Caravane. Mais on va commencer tout de suite avec Tire le Coyote avec la pièce à la fenêtre. Oui, bang, bang, bang, bang, bang! Ça cogne à la fenêtre. Ce n'est pas le si fou au 89 FM. Toot toot toot toot.

dès l'entrée. The Savage Smith et It's a Burn sur l'album Fine Lines en nouvelle entrée en 19e place anglophone. Ah, côté francophone, 19e place, nouvelle entrée, Caravan avec Harmony Rocket. C'est tiré de même album, Chien Noir, que la précédente pièce. Et que les précédentes. Les précédentes, tout à fait. C'est Raymond, Chien Noir, Minuit à date, puis là c'est le 4e extrait. Est-ce que tu penses qu'on va, on pourrait avoir un album de palmarès? Ah, peut-être. Ce serait lui. Paul Marais, c'est Paul, Paul Marais, c'est la famille Marais. Oui. On l'a avec nous, Jacqueline. En 20e place, nouvelle entrée de The Seasons. C'est leur deuxième album, le deuxième extrait de l'album Fault, pardon, qui s'appelle Copernicus. Côté francophone, 20e place, nouvelle entrée également, Tire le coyote à la fenêtre. C'est tiré de l'album Panorama. C'est un bloc varié, ça. Oui. Un bloc très, très varié. Autant que les logos qui nous entourent, t'as sûrement joué toi aussi à des jeux sur le téléphone intelligent. Hein? Oui, quelque chose qui s'appellerait comme logo, puis ça serait un quiz. Fait qu'on pourrait appeler ça Logo Quiz. Logo Quiz! Je l'avais presque. Ouais, c'est sur le bout de la langue. C'est ça. Et c'est le fun des logos déterminer ça quand ils enlèvent le texte. Oui. Comme mettons, je sais pas, tu sais, là, on avait devant nous un logo d'une compagnie qu'on va nommer comme ça ABI. Oui. Et que le logo, c'est un triangle composé de morceaux de barre gris. Oui. Ça. Donc, on essayait de deviner, en fait, c'était quoi le ABI. Ça veut dire que c'est ça, tu sais. Oui. Mais moi, j'ai deviné que c'était sûrement quelque chose dans l'acier parce que ça a l'air droit et plate. Oui. Leur logo, tu sais. Puis, en fait, après vérification, ben, c'est bien ça. C'est une aluminerie à Bécancourt. Et j'ai deviné ça complètement. Il manque le I, ça doit être industrie. Avec la web, peut-être. Et la police la plus de base possible. Ah, oui. Mais en même temps, c'est pas de l'acier. Besoin. C'est de l'acier. C'est sérieux, tu sais. L'aluminerie, en fait. L'aluminerie, excuse-moi. C'est pas ma affaire. Non. Et pas ça commence par A pareil, mais c'est pas la même affaire. Mais on les salue bien bas. Oui. Voilà. Un autre bloc de nouvelles entrées, tiens, on va l'entendre, les positions 18 et 17 ensemble. Plus tard, il y aura Claude Bégin, Spoon River et André Papanicolaou. Mais commençons tout de suite avec un album Pouf qui est tombé du ciel de Jean Leloup. Les Flamants Roses qu'on va écouter. Donc c'est l'album qui est sorti hier, mardi, en fait, de cette semaine. C'est l'album À Paradis City. À Paradis City. C'est des palmarès, c'est fou au 89 FM.

have sunk like a paper cup dancing with the wind. We were disposable and that's how we lived. C'était André Papanicolaou et Disposable sur l'album Strange Nights, en position numéro 18, nouvelle entrée anglophone. On a écouté également Jean Leloup avec Les Flamants Roses, son nouvel album qui est sorti ce mardi en 18e position. Et tout juste avant, c'était Claude Bégin avant de disparaître en 17e francophone. On l'a pas encore entendu ça là. On l'a pas encore entendu. T'avais raison. Excuse-moi. T'avais moi. C'est pas grave. On a juste écouté Jean Leloup. Mais... Ouais, c'est ça. On a juste écouté un bloc qui était long. C'est pour ça oui. Tout de suite, on va écouter Claude Bégin. Ouais, c'est vrai ça. Non, je voulais parler d'André Papanicolaou. Tu connais peut-être pour son travail avec, entre autres, Vincent Vallière. Oui, Pascal Picard et tout et tout. Oui. D'ailleurs, on l'a croisé quand il était de passage à l'UQTR. C'était ouais. Le guitariste de Vincent Vallière. Tout à fait. Donc, position numéro 17, comme on l'a presque annoncé, en anglophone. J'ai trébuché. En anglophone, ce sera Spoon River et Slippery Footed Man. C'est une nouvelle entrée de l'album qui s'appelle The New Sun A Hotel. Ah. Ah, avec 4 H. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. OK. Voilà. Ouais. Côté francophone, on va écouter. Donc, en 17e, comme je le disais, Claude Bégin avec Avant de disparaître. On parlera C'est Fou sur C'est Fou. 89.1 FM? Oui, FM. Et sur les balados de diffusion. Les balados de diffusion. Toutes! Oui, toutes. Et sur les internets. Toutes les internets.

River et Slippery Footed Man, la nouvelle entrée en 17e position sur l'album The New Sun Hotel. Côté francophone, Claude Bégin, avant de disparaître, 17e position, nouvelle entrée. Francophone, c'est tiré de l'album Les Magiciens, tout comme le micro. C'est ça, c'est le marionnettiste du studio qui savait pas trop où s'en aller avec ça. Ah, wow. Hey, Crime, il est déjà rendu moins 20, 40 minutes passé le début de l'heure, ouais. Et il nous reste encore de nouvelles entrées. Oui, monsieur. On s'en va pas jusqu'à la fin de l'heure, mais quand même proche. Mais on est tight. On est tight, c'est nouvelle entrée. Côté francophone, je me permets de commencer. On va entendre tout de suite Fanny Blue. Avec Mélodie, c'est tiré du même album. Et ça s'est suivi de The Marwheels et Don't Go Home sur leur album Facts and Figures au 89 FM, c'est des palmarès, c'est fou. Marionnettiste. Marionnelli. On dirait une sorte de pâte, les Marinelli, en passant, je trouve. Quand on je suis sûr qu'ils sont vraiment bonnes. Voyage, sûrement. Notre amour est un décalage entre la nuit et puis le jour. As-tu rangé le cahier avec les notes de musique qu'on avait composées à deux? Je veux te jouer la mélodie qui te don't you treat me with that pretty little face? Come on, baby, why don't you live a little, laugh a little? Come on now, let's go, let's get out of here. I think we've seen all there is. Come on, let's go. Come on, baby. Come on. Don't push me out in the cold. The Marwills, un groupe de Toronto avec Don't Go Home en position numéro 16, anglophone, nouvelle entrée. Et notre dernière nouvelle entrée francophone également, 16e place, Fanny Bloom avec Mélodie, c'est tiré du même album Pan que ses autres extraits qui étaient dans notre palmarès. Les nombreux autres extraits de Fanny Bloom. Déjà 10 nouvelles entrées d'écouter, ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à 10 pièces. Mm-hmm. Donc, palmarès in peace, tout le monde. Just mountains of change. C'est un grand homme. Nous les pleurerons longtemps. La Mauricie est en deuil. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Les remords arrivent comme le réveil. Il faut vivre à 10 dans cette cage. et des essais des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 26 janvier au 1er février 2015. On a commencé avec Sago qui est parti avec Mot de Mars et resté avec nous cette semaine. Il est parti comment? Il est parti Sago. Sago, c'est ça! Ensuite, on aurait pu jouer rien du tout, genre comme un blanc à la place, parce que Fanny Blue avec blanc a duré cette semaine. Elle est partie en caravane à Saint-Raymond. Donc, caravane Saint-Raymond qui est restée avec nous 9 semaines. Elle s'est fait crapoutir par une machine géante avec l'effet veuve noire qui a duré 8 semaines. Et puis, oui, c'est ça, elle a eu un coup sur la tête. Hein, caroche à sa coche pour Léa. 4 semaines. Un maigre 4 semaines. Oui, c'est vrai. Je sais pas si la caravane qu'elle a empruntée avait les pneus 4 saisons. The Seasons avec The Way It Goes cette semaine. Mm-hmm. Mais il s'était entraîné hein, pour avoir un 6-pack, hein, le pack AD. Et puis pour plus se taiter, ils ont mis du cellophane autour de leur pédale. Ah, la gaine minceur de Louis-José Mondou à Boutique TV. Donc, The Pack AD avec la chanson cellophane qui reste avec nous 9 semaines. Oui. Mathieu. Je dois interrompre les gags pour dire qu'on a joué l'extrait de King Gizzard qui porte le même nom, cellophane, dans le montage. Plum Rest in Peace. Ça aurait dû être l'autre de The Pack AD. Dit, je me suis trompé dans le montage, c'est comme ça. C'est pardonné. C'est pardonné, merci. Ensuite, on a entendu The Bar Brothers et Even the Darkness Has Arms et disons que la noirceur est tombée sur eux après 7 semaines. Et puis, 8 semaines pour Lisa Leblanc avec Gold Digin? Digin? Digin? Celle-là, je l'aurais jamais mettue. Non, tu me l'as demandé. Je suis tellement content qu'elle s'en aille. En tout cas, l'extrait de Lisa Leblanc est parti, c'était avec nous pendant 8 semaines. Elle s'est creusé un trou, qu'on pourrait dire. Ouais, comme j'ai fait à chaque fois que j'ai essayé de dire c'est quoi ça tout. Et finalement, The Last International s'est pris un passeport vers n'importe où son fichier avec Killing Fields qui a duré cette semaine. Et voilà. Voilà, c'est tout pour Palmer Rest in Peace. On fait ça en début d'émission juste après les nouvelles entrées dans les Palmarès. C'est fou. Et Colin, on a presque pris l'heure au complet. Donc, ben oui, c'est incroyable. Juste le temps de s'écouter deux petites pièces, je pense. Ouais, deux petites pièces. Avant de les écouter, par contre, on va dire ce qu'on va sauter. Ah oui, vas-y. On saute les positions 15, 14 et 13 pour l'instant de chaque côté. En anglophone, la 15e, c'est Coco Melias qui descend de 3 avec Winter Loves. En 14e, ça descend de 1, Taste of Silver par Until the Ribbon Breaks. Et en 13e, ça descend de 10 places. C'est OK Go avec Obsession. Mm-hmm. Côté francophone, 15e place, Mathieu, c'est passé de la 14e. Les Marinelli avec Sous la Lune. On aurait écouté en fait Lubic également avec Laisse-toi aller, qui est passé de la 12e à la 14e position, qui descend de deux places également Dumas Voodoo, la chanson Voodoo. Mais on va écouter ensemble les God Mashup avec le King du Nintendo, qui est passé de la 15e à la 12e place cette semaine. Et en anglophone, plus tard, il y aura The High Dials avec Desert Tribe qui monte. C'est une nouvelle entrée à se passer en 20e place. Elle monte donc de 8. Mais pour l'instant, tu l'as dit, c'est les God Mashup! Écoutons ça. Les Kings Nintendo, palmarès c'est fou. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. Je brigue à toute la main de l'alphabet que j'étais parti pour la gloire. J'étais curieux, bien humain, fallait toujours en savoir plus. Je savais pas où je m'en allais, mais je suivais ceux qui le savaient. Je me suis perdu dans les dédales de l'administration. Je pensais bien que j'étais un homme, mais j'étais encore un garçon. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. L'esprit que tout avait dans le fun, que j'étais parti pour la gloire. J'étais parti pour la gloire. J'étais le king au Nintendo. On trippait ses Ninja Turtles. Le gros du big, puis c'était Rambo. Avec sa collection de couteaux. Yeah. chocolat et méfiez-vous du Boogaloo en 11e place, c'est francophone, ça monte de deux. Mm-hmm. Et on écoutait également les codes mashup avec le King du Nintendo, c'est passé de la 15e à la 12e place. Et au centre, comme au centre d'une pastille, le petit sirop était The High Dials avec Desert Tribe qui monte de la 20e place. On a sauté par-dessus Century Palm et To The Ether qui est stable en 11e et qui est là depuis 8 semaines. Et c'est là-dessus qu'on termine la première heure, la portion New Shit. Et voilà. Ouais, dans quelques instants, la portion Top 10. Et d'ici la fin de l'émission, on va savoir qui est numéro 1. Dans la deuxième heure aussi, on a C'était fou. Exactement. Parce qu'on n'a pas la chronique 1-100 classique cette semaine, parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Voilà. Yeah! On en fera une, on en improvisera une. Ouais, c'est ça, on va faire nous-mêmes les meilleurs moments. C'est bon, t'es vite très Steph, ok? Tu fais Steph? Parfait. C'est bon. Good. On se retrouve dans 2 minutes. On va rester fou. Fou de spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Deuxième heure des Palmarès Fou pour la semaine du 2 au 8 février 2015. Il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. Oh que oui, enfin l'équipe complète. Le duo. Au bâton, dans les coins, dans le filet, partout, autour du chapeau. Partout où vous voulez. Partout où l'action se passe. Nous sommes là. Là. C'est ça. Donc, dans cette portion, cette deuxième heure d'émission, c'est la portion top 10. Donc, on va entendre les positions 10 à 6. Et commençons, je suggérerais une nouvelle formule de commencer par les 10e places. Oh, coquin! Petit taquin coquin. Donc, on va écouter, pour commencer, notre ancien numéro 8, qui se retrouve à la 10e place, Mauve, avec l'extrait Ruelle. Et juste après, ce sera Elephant Stone qui descend d'une place avec Knock You From Your Mountain. Au palais, c'est fou. 89.1 FM. Go, go, go. Go, go, go. Oh, le saxophone, toi. Au loin. Au loin. Si tu vois les ondes à la fois dressées comme des eaux et précaires comme l'ange de l'eau, et que Elephant Stone et Knock You From Your Mountain qui est descendu une place en 10e position anglophone. Excuse-moi, JP, aujourd'hui. Aucun problème. Qui descend de deux places également sur le côté francophone. Mauve, c'était l'extrait Ruelle. C'est le mouvement de la main. T'es pas sur le même micro que Stéphanie Paradis. Et voilà. Puis ça me défait. Ça me défait à chaque fois. Ça me défait. Ah oui. Mais c'est pas grave. On va finir par s'en sortir parce que les 9e places vont être tellement excellentes qu'on pourra pas penser à ces affaires-là. Et voilà. On pourra pas. Et voilà. The Pretty Reckless avec Sweet Things qui monte de 10 places de nouvelle entrée la semaine passée en anglophone. Stable en francophone. 9e place, on va écouter 8 clos. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que ton micro n'était pas allumé. Ah, parce que c'est ça la raison. Ce n'est pas le mal assez fou. Tout compris, tout le monde a des gros seins, tout le monde a plein d'amis, personne n'a peur de rien. Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Allez, come on, Alex, déchire! Pas partie de la vraie vie, oh, tout le monde sait ça à part moi. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Knocking at my door. The Pretty Reckless, position numéro 9. Ça monte de 10 places, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et stable en 9e place, pourquoi pas moi, mais je peux pas vous dire c'est de qui, parce qu'on était en 8 clos. No! Help! Joke d'AG, joke d'Assemblée Générale. Donc c'était 8 clos avec ce bel extrait, pourquoi pas moi. Ben voilà, pourquoi pas. Ah, les 8 clos, tu sais. C'est n'importe quoi. Position numéro 8, déjà qui arrive. Normalement, ce serait le moment ici où on jouerait un instant classique. On remet ça à la semaine prochaine. Ben, on fera un double edition. Ouais. Finish him. Donc, 8e position anglophone, c'est King Gizzard and the Lizard Wizard. Pour ceux qui suivaient tantôt, on vous a joué un petit extrait de ça, de 30 secondes, si vous en rappelez. Donc, l'extrait Cellophane monte de 2 places en 8e anglophone. Et ça passe de la 5e à la 8e francophone. On va écouter Stereosaur, c'est l'extrait Kaleidoscope. Kaleidoscope. Ouais. Kaleidoscope. Kaleidoscope. Imite-moi un Stereosaur. Un Stereosaur? Ok, attends un peu. Rare. Ça, c'est un dosard, mais comme t'as tes écouteurs, t'es écouté en stéréo. Ah ouais. Stéréosard. Prends le micro 4 puis fais-moi 2 fois en même temps, genre. Ah, ça va être ça. Rare. Cool! Ah, c'est ça s'est pas paru, mais il y avait 2 micros là-dessus. C'était du stéréo à la radio. Voilà. Faut pas leur assez fou. King Gizzard and the Lizard Wizard avec Cellophane qui monte de 2 en 8e position anglophone, bien conservé par une petite couche de pellicule plastique. Mettons, hein, tu sais. La trouves-tu drôle? Mettons, t'as trouves-tu drôle? Oui. Ok. Et puis de 3 places qui descend, de 3 places. De la 5e à la 8e place, on a écouté Kaleidoscope de Stereozor. Parce que j'ai avec la console aujourd'hui, hein. Oh, ben écoute, y a de ces journées, Mathieu. Ah oui, y a de ces matins, comme ils disent. Ouais, ça c'était les positions numéro 8. Ça va super bien, hein. Tu savais qu'il nous reste encore les positions 7, ensuite 6, 5, 4, 1. Oui. Ouais. On va savoir si d'ici 1h30, si c'est encore le couleur, hein. À peu près. Et du côté anglophone, je te dirais qu'on va savoir si c'est Hero Zeta avec Kintsu Kuroi. Dans quelques instants, ça va être C'était fou, le bloc où on joue des vieilles pièces. Ouais. Mais en fait, ce ne sera pas si vieux que ça parce qu'on y va dans un ordre temporel, un ordre en termes d'années, de semaine en semaine. Oui. On est rendu en 2013. OK, on se rapproche. C'est assez récent. On se rapproche de maintenant. On n'ira pas jusqu'à maintenant. Oh. Je ne penserais pas. C'était fou hier. Et voilà. Donc, du côté anglophone, la position numéro 7 est occupée par Chris Burkett et Be Creative qui monte de 7 places. Mais qui descend de 3, Summerland avec encore Loin de toi. Au 89 FM, c'est des palmarès si fous. Ouais. Ça ressemble à ça. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Loin de nos vapeurs éternelles. be creative in the things that your teachers used to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. Everything counts. Every little reaction can start a chain reaction. Seize the day, carpe diem. Now is the time, enjoy yourself. Be creative in the things that you don't want to even talk about. Be creative in the things that your teachers used to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. De Chris Burkett pour ce numéro 7, ça monte de 7 places en anglophone. Et qui descend de 3, c'est Summerland, encore loin de toi. Oui. Qui descend de 3, 7e place francophone. Je me souviens plus ce que j'avais dit, fait que là je l'ai dit. Ah voilà. Tantôt Marie-Pierre Arthur et Brave Shores, mais avant ça, c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou. Avec Mathieu Plante. Avec j'ai dit ton nom. Mathieu Plante. Ça sonne mieux de même. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 4 février 2013. Avec Mathieu Plante. Je sais que vous écoutez Mathieu Plante. Certaines personnes comprendront. C'est à cause d'Andorval que j'ai que le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Andorval que j'ai la télé HD dans mon salon. C'est à cause d'Andorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Andorval que puis de chambre en ville, c'est une nouvelle. I'm not afraid to die. Quelques pièces qui provenaient de la semaine du 4 au 10 février 2013 dans le bloc C'était fou. On a débuté avec Rouge Pompier et leur très courte Anne Dorval sur l'album Kevin Bacon. Ça, c'est le numéro 1 francophone. Ensuite, le numéro 1 anglophone, c'était Ringo Dead Star et Rip sur l'album Move. Et on a terminé avec mon choix, c'est White Horse avec Jane sur l'album The Fate of the World Depends on This Kiss. JP, tu veux savoir ce qu'il y avait d'autre cette semaine-là dans le palmarès? Oui, j'aimerais ça avoir plus d'infos. Sur le francophone, il y avait Olinéa, Chantal Archambault, Peter, Violette P, Bernard Alamus, La Licence du Coude, Atomic Baobab, Tremblay, Tire le Coyote, qui est présentement sur le palmarès. Bio Bazar, notre ami d'année janvier, Les Trois Accords, Gros Méné, Karim Ouellet, Ça arrête plus, Kikuna, Mauve. Tout le monde. Arrête, c'est trop. Du coup, dans le fun, Stars, We Are Wolves, Eastroke, Birds of Legend, Metric, The Gaslight Anthem, Hunter Valentine, Mother, Bad Religion, The Darkness, Grizzly Bear. Wow! Je viens de catcher, là. On avait Mother Mother puis Peter Peter. C'est vrai, dans la même semaine. Ah! On a sûrement fait des références là-dessus. Fort probablement. Je viens de la dire, puis il me semble que je me revois dans le temps pas animé les palmarès. C'est ça. Écoutez Stéphanie dire la même chose que toi, mais avec une voix plus aiguë. Donc, les palmarès, c'est fou de la semaine du 4 au 10 février 2013. Donc, c'était fou. Si on suit bien l'ordre des choses la semaine prochaine, je pense qu'on va aller en 2014. tu sais ce qui serait très drôle? 2015. Oui! Ça sera fou. Ça sera. Ah, 2016! Ouais. Quelque chose de. Ouais. Puis on va prédire un retour inattendu de quelques groupes. Comme. Carquois? Je sais pas. Carquois? Ouais, tu sais, parce que ça renouvellerait pas. Genre. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre, là, de popper? Popper sa guitare? Oh, wow! Merci, tu m'as sorti de l'embarras. Ça me fait plaisir. Avec sa nouvelle toune, sortir de l'embarras. Voilà! Voilà, Pépé. Ah, c'était fou. Ah. Et on fait ça en deuxième moitié, au début de la deuxième moitié de l'émission, dans les palmarès. C'est fou. Et voilà. Ah, il nous reste juste assez de temps pour l'entendre les sixièmes places. Oui, Mathieu, ouais, je vais commencer tout de suite rapidement. On va écouter côté francophone Marie-Pierre Arthur, Rien à faire. Ça fait un bond de géant de 12 places pour se retrouver à notre sixième. Et juste après, en anglophone, ce sera Brave Shores et World Beneath the Sea qui monte de 2 places. On écoute ça, on parle de Rassi Fou, 89. FM! Papyr et sa guitare. Oui. Manadé. Brave Shores et World Beneath the Sea qui monte de 2 places en 6e angle. Et qui fait un bond de 12 places, Marie-Pierre Arthur avec Rien à faire, nouvel extrait, nouvel album. Et voilà, c'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve pour la portion top 5 de l'émission. On va savoir enfin si le numéro 1 anglophone est toujours Hey Rosetta avec Insukuroi. Et pour un francophone, on va voir si le couleur tient toujours la tête avec Concerto Rock. C'est dans la troisième heure, on parle de Rassifo, restez avec nous. Wow! Top 5, Mathieu, c'est les 5 meilleurs. Hein? C'est les 5, ouais, les 5 meilleurs. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, puis on compte pas le zéro. Non, t'as appris ta leçon. La oui. Position zéro n'existe pas. Retour sur la troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 février 2015. Il est Jean-Philippe Chabot. Il est Mathieu Plante. Oui. On commence l'émission avec une mauvaise nouvelle, JP. Hello. Oui, le numéro 5, c'est lancé numéro 1 en anglophone. Bon, c'est ça. Ouais. Spoiler alert. Spoiler alert. Heroes of the avec Kintsukuroi sur l'album Second Sight. Ben nous, non, c'est pas notre numéro 1, c'est notre ancien numéro 2, Mathieu. Ça va être Les Passagers avec Le Ciel est Noir. C'est le fun que tu traites ces chansons comme s'ils étaient à nous autres, c'est comme si c'était nos possessions. Ben oui, ben, c'est notre numéro 1. C'est notre numéro 1. Ouais. C'est votre radio. On est vos animateurs. C'est votre soirée. Sur votre radio qu'on puisse droit et bien. Malgré ta spring, that summer when I first saw you, that first kiss coming. Let's just freeze the frame, your blue eyes closing. Et par Harry Rosetta, l'ancien numéro 1 anglophone, maintenant en 5e place. Et on a entendu Le ciel est noir de Les Passagers, qui était en 5e place. Oh oui! Tantôt, ça va être la section ailleurs dans les palmarès, la section à succès de JP. De JP. Le moment où il a l'air le plus intelligent. C'est ça, on aime ça. Il a l'air humain, tu sais. Oui! Il a l'air humain. Au sur numéro 4 anglophone, c'est Napalm Palm avec Get With Me qui monte de la 7e. Nous, on passe de la 17e à la 4e, donc 13 places pour Kepler avec Carnivore. Wow, tu t'es forcé à faire du calcul mental. Oui, mais oui. C'est pour remettre la barre un petit peu plus haute. Quand, tantôt, quand t'abordes quand ça, t'as droppé. Juste au niveau normal. Oui, vraiment. C'est ça. Ouais. Comme ça, tu sais, je me tiens dans la moyenne. C'est ça. Là, avec la courbe de ça, hein? C'est ça. La courbe d'ajustement. De satisfaction de GP. C'est exact. Au palmarès, c'est fou. Sur le 89.1. moi et toi et nous autres au palmarès, c'est fou. On va entendre N'importe pas, mais Get With Me, position numéro 4, qui monte de 3 places. Oh, avant, non, c'est ça, avant, il faut que tu me dises la position francophone. Oui, c'est ça, là, on avait tout qu'un mix, pourtant c'était bien fait, mais qui monte de 13 places rapidement, Kepler avec Carnivore. Attention! 5, 6. Ah, hier dans les palmes, on est là, là. Hier dans les palmes. Je pense que t'as commencé trop tôt. Trop tôt. On va recommencer. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs, ailleurs, ailleurs dans les palmarès. Tous les soirs, je suis ailleurs. Tous les soirs. Je suis ailleurs dans le palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, la section de l'émission où on regarde au-delà de notre top 20 francophone et top 20 anglophone, parce qu'il y a aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. En effet, Mathieu. Ça arrête plus d'avoir des affaires. Ça n'arrête plus d'avoir d'autres choses. C'est ailleurs dans les palmarès, oui, rappelle. Exactement. Donc, commençons par les nouvelles entrées. Il y en a 3 dans le top 30 des albums. En 19e place, Samantha Savage Smith avec Fine Lines. En 18e, André Papanicolaou et Strange Night. Et en 16e, The Mar Wills avec Facts, The New Sun Ha Hotel. Et dans le top 3 de la même catégorie, top 30 des albums, on a notre ancien numéro 2 qui est Belle Sébastien avec Girl in Peace Time Want to Dance. On a la 4e place qui monte de 2, Brothers Octopus avec Sea of Champions. Et le numéro 1 qui est monté de 4 places, donc l'ancien numéro 5, Viet Cong avec l'album Viet Cong. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e, c'est Napalm Pom qu'on vient d'entendre avec The Unconditional Love of Napalm Pom. En 2e, c'est Stable, Brother Octopus et Sea of Champions. Et en première, c'est Viet Cong avec Viet Con. Dans le top 10 loud, une seule nouvelle entrée, c'est Venom avec l'album From the Very Depths. Et on sera pas. Ceux qui nous ont pas écoutés la semaine passée, clin d'œil, ne seront pas surpris puisque c'est très stable côté top 3. Donc stable en 3e position, UDO avec Decadent. Numéro 2, stable également, c'est Devin Townsend avec Zitoid 2. Zitoid, mettons. Et stable numéro 1, All the Gates avec l'album At War with Reality. Dans le top 5 musique du monde, maintenant deux nouvelles entrées. En 5e place, Despierta el Vecindario, une pièce de l'artiste Bugat. En 4e, l'artiste s'appelle Red Barat avec l'album Gaddy of Truth. C'est l'extrait Horizon Line. Et dans le top 3, écoute Mathieu, on a tout checké ça puisque numéro 3, c'est notre ancien numéro 5. Donc le vent souffle le plus fort de Basil Cini, notre ancien numéro 1 qui se retrouve en deuxième position, Watch Gonna Do de Bella Fleck et Abigail Watchburn. Et notre ancien numéro 2 qui se retrouve numéro 1 cette semaine, là c'est difficile, c'est Vartam Joytoit. Joytoit. De Susanna. Susanna. Beaucoup de S et de Z là-dedans. Hein. Oui, Susanna. Et comme extrait pour écouter dans l'arrière de la palmarès, je vous ai choisi, en fait on a choisi ensemble, Bugat avec la nouvelle entrée, c'est Despierta el Vecindario tout de suite. Oui, puis si jamais vous voulez aller les écouter, ces chansons-là, non seulement il y a les palmarès du monde, mais vous pouvez aussi aller sur le site internet, hein? Ouais! www, c'est fou! www.http://c'est fou.ca Exactement. C'est fou ça! Puis vous allez dans palmarès, y a tout ça là. Malade! Amplificado, computarizado, pirateado, grabado y doblado. La nueva era llegó en un trueno, dando calambre al sistema nervioso. Mi inspiración es un relámpago. Sonido de metal pegando obsidiana, suena violento como la conquista. Si el futuro llegó hace rato, ¿por qué seguir sonando anticuado? Futurístico, humorístico, mi estilo pa' viajar como lo turístico. De Montreal pa' el mundo entero. A medianoche con los compas a escondidas, montando stage, conectando bocinas. A lo Kingston con los subwoofers, prendan sirenas que escupan los twitters y que el barullo invada el aire. Corre el rumor de cerros hasta valles y viceversa pa' que el mundo sepa. ¡Despierta el vecindario! Digan al sol que no se apresure. Lo que queremos gozar de la noche y de la siguiente también. Que los somníferos no se necesiten pa' los vivos y bien despiertos, bailando hasta que nos volvamos sordos. Así que oye mientras lo puedes. Hey, fausse alerte, hein, c'est pas une vraie alarme, faut pas évacuer. Mais non, évacuez pas. Comme dirait JP, tous ceux qui sont en train de péter à la maison parce qu'ils pensent... Arrêtez d'évacuer. JP. Qui est coupable, là? C'est lui qui l'a redit en onde ou celui qui a dit en onde? Depuis quand est-ce que tu peux dire une affaire que je ramène pas en onde, JP? Ouais, je sais. C'est de même, ça marche. Tout ce qui se passe dans le studio a le droit d'être dit en onde. C'est ça, c'est parce que vous avez le droit de savoir. On vient entendre Bugatti avec Despierta El Vecindario. Bien sûr, sur l'album Eldorado Sunset, nouvelle entrée du palmarès Musique du Monde. Fait écouter les palmarès du monde dans sa nouvelle case horaire, dorénavant les jeudis à 16h. Sur nos ondes, et ça rejoue le lundi à 18h. C'était précédemment l'inverse. Il est en direct le lundi, maintenant c'est en direct les jeudis à 16h, juste avant le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Animé par Mathieu Plante. Mettant en vedette, Mathieu Plante. Voilà, retournons où on était rendu dans nos palmarès. On était rendu aux 3e place du côté anglophone. Il y aura Belle and Sebastian avec Nobody's Empire qui descend de une. Nous, du côté francophone, on fait des gros bons dans notre top 5. Ça va être Fontarabie qu'on va écouter avec l'extrait Vent Blanc. C'était notre ancien numéro 19. C'est rendu en 3e. Donc, si mon calcul est juste, Mathieu, on a monté de 16 places. Oh! Je suis du vent. Oh! Non, c'est pas du vent, c'est du fond. Fontarabie. Fontarabie, wow. JP. On ramassera pas grand fond avec ce genre de blague-là! Non, je pense qu'on a atteint le fond. C'est des pas massifs. Je vois la tempête qui s'en vient vers nous, mais tu ne vois rien. Je voudrais te faire croire que tout finira bien. Quand la nuit tombe sur ton visage, je voudrais te faire croire.

je commence à pas mal apprécier Belle and Sebastian et Nobody's Empire qui descend d'une place en troisième anglo. Et francophone qui fait un gigantesque bond de 16 positions, dis-je bien. Fontarabie avec. C'était Fontarabie avec Vent Blanc. Merveilleux ça, merveilleux bloc. On s'en va sur un autre merveilleux bloc, Mathieu. Oh, je pense que, tu sais, dans le temps, dans le bon vieux temps des palmarès, c'est fou, là, ouais. On faisait les positions de la semaine. Là, ça serait ça. Ça serait pas, pour moi, ce serait ça, les positions de la semaine. Parce que c'est un bloc qui va bien ensemble en plus. Puis c'est bon de bord en bord. Du côté anglophone, je te propose d'entendre le numéro 2, Brother Octopus et Bigfoot, qui montent de deux places. Et puis moi, je te donne aucun choix, puisqu'on va écouter en deuxième place. C'est moi qui pince les pitons, tu sauras. Ouais, c'est vrai. Donc on passe de la 20e à la deuxième place directement pour une deuxième semaine quand même. Galaxy avec Robolynx qui s'en vient drette là. Robolynx là, ça fait-tu genre ouais, ouais. Ça court moins vite qu'un lynx. Ouais, une belle attention ça. Vraiment, on n'y pense pas assez souvent. C'est vrai, comme dirait Normand Bratois, mon œil de lynx ne mange jamais. Les palmarès, c'est fou. Ne mange non plus. Excuse-moi, ne mange jamais non plus. Ok. Je suis fermé, hein? Oui. We'll be right back. no one believes me. Octopus et Bigfoot, deuxième place anglophone, ça monte de deux. Qui monte d'un bond, hein? Ça, c'est comme ça qu'on dit ça. De 18 places, Galaxy avec Robolinks, excellent bloc. Ah! Hey, ça, c'était le bloc de la mort, le bloc qui tue. Oui, vraiment. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est que je pourrais te dire, OK, Mathieu, donc on va pouvoir passer aux deuxième positions. Donc, on va entendre Galaxy avec Robolinx, puis on se les rejoue. Oh oui, tellement ils sont bonnes! Ah oui! Mais en même temps, je suis pas sûr de la couleur. De ce que tu viens de faire là. Je suis pas sûr. Ah ouais, pas sûr de la couleur. Tu sais, c'est comme dans un concert, mettons rock. Ok. Tu voudrais qu'il y ait deux fois la même pièce. T'sais. Mais pourtant, on aurait pu y aller, on aurait pu faire le coup de concert. Dans, le coup de concert, comme genre ben, se parler oui, un peu avant de faire la blague. Ouais, non, mais tu voudrais qu'il y ait deux fois la même pièce, un rappel d'une même tune qui a été jouée, mais ce serait peut-être trop. T'aimerais mieux étaler ton désir, peut-être retourner voir en douceur un autre spectacle du même groupe, mettons, tu sais, un Dolce et Désir, mettons. Oui, peut-être. Du côté anglophone, moi, ça me rappelle un show, c'était aller voir un show de Gorillaz. OK. Où les membres sont des dessins animés, des s'il y avait un groupe que ce serait juste des silhouettes, mettons, qui joueraient devant toi, tu sais. Des silhouettes vietnamiennes, mettons, peut-être. Genre, peut-être, mettons, ça va être aussi King Kong, mettons. Oui, où il pourrait jouer du gong. Du Viet Gong, mettons, si on veut, du Viet Gong. Oui, mettons, je vais te laisser expliquer tout ça. Oui, donc, c'était le traditionnel jeu de mots du numéro 1 de Mathieu. Donc, en première place, Vous l'avez compris, c'est stable puisqu'on l'a pas entendu ni dans les au revoir. Ça fait trois fois qu'on fait des jeux de mots là-dessus. Oui, ça fait trois fois que tu te renouvelles, Mathieu. Je suis fier de toi. Merci. En fait, c'est un défi qu'on te donne. Alain, il la laisse en numéro un pour voir jusqu'à quand t'es capable de toffer des jeux de mots. Surtout à la fin de marathon de radio de 17 heures dans la même journée. Exactement. Donc, numéro un stable en francophone, c'est Le Couleur avec la chanson titre Concerto Rock. C'est tiré de l'album Dolce Désir. Et côté anglophone, c'est notre ancien numéro 5 qui se retrouve à la position numéro 1. C'est Viet Cong avec Silhouette. C'est tiré de l'album Viet Cong. Et non pas Viet Gong, mais quand même, c'était proche quand même. Ben oui. Ouais, ouais. Ça cogne. Ça frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Oui. C'est ça. Je mangerai de l'asiatique ce soir. Hey, ouais. OK. C'est les palmarès, c'est fou, les numéros. Je fais ça pour ma silhouette. c'était les numéros 1 de la semaine du 2 au 8 février 2015. Pour les premières assez fous, on vient entendre en anglophone Viet Cong et Silhouettes sur l'album Viet Cong. Et notre numéro 1 stable depuis 3 semaines, Couleur avec Concerto Rock, c'est tiré de l'album Dolce Désir. Et voilà, c'est tout pour l'édition de cette semaine, les premières assez fous, JP. Eh hey, oui. Ben oui, merci, c'est de même, hein. Gars, arrête de chialer. Ça fait 3 heures que vous nous écoutez, là. Je sais que c'est bon. Mais que, c'est ça. Pour moi que ça arrête de même. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les mercredis entre 15h et 18h. Restez là pour Audiomatique, l'émission de musique électronique qui s'en vient dans quelques instants. À 19h, c'est les audacieuses, ou comme j'ai dit ce matin, si elles animaient avec un petit peu d'alcool dans le corps, ça ferait les choses audacieuses. Elle a trop drôle. Oui. Donc, les audacieuses à 19h, découverte musicale. On repasse les vendredis à 17h. Restez là pour les bonnets rouges, les Skypunk Cup. Et finalement, les dimanches entre midi et 14h. Restez là en général et allez voir le cif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Yes. Voilà. Est-ce qu'on attend une petite dernière pièce avant de se quitter, Mathieu? Qu'est-ce que tu choisis, JP? Je me souviens plus ce que j'ai choisi. C'est en anglophone, ça, je m'en souviens. Attends un petit peu. J'y donne la place pour qu'il parle puis il parle pas. Si j'étais une toune, okay, où est-ce que j'en serais? Ok, go. Je sais plus. C'est ok, go, voyons. Ah, ok, go. Ben oui, JP. Ah. On recommence ça? Moi, si j'étais une toune, je serais ok, go, puis je serais en 13e place. On va écouter ok, go avec Obsession. À la semaine prochaine, JP. Ah, je vais me reposer. Bye. A look so quick, a movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Fascination now. It's obsession.